Comment te nommes-tu, mon enfant ? Atala, madame. Sais-tu lire, écrire ? Non, madame, mais cela ne fait rien, puisque monsieur le sait. Tes parents t'ont-ils mené à l'église ? As-tu fait ta première communion ? Sais-tu ton catéchisme ? Madame, papa voulait me faire faire des choses qui y ressemblent à ce que vous dites, mais maman s'y est opposée. Ta mère ? S'écria la baronne. Elle est donc bien méchante, ta mère ? Elle me battait toujours, je ne sais pourquoi, mais j'étais le sujet de disputes continuelles entre mon père et ma mère. On ne t'a donc jamais parlé de Dieu ? S'écria la baronne. L'enfant ouvrit de grands yeux. Ah, maman et papa disaient souvent « Sacré nom de Dieu, tonnerre de Dieu, sacre Dieu !» dit-elle avec une délicieuse naïveté. « N'as-tu jamais vu d'église ? Ne t'est-il pas venu l'idée d'y entrer ?»« Des églises ? Ah, Notre-Dame, le Panthéon, j'ai vu cela de loin quand papa m'emmenait dans Paris, mais cela n'arrivait pas souvent. Il n'y a pas de ces églises-là dans le faubourg. » « Dans quel faubourg étiez-vous ? » « Dans le faubourg. »« Quel faubourg ? » ?»« Mais rue de Charonne, madame. » Les gens du faubourg Saint-Antoine n'appellent jamais autrement ce quartier célèbre que le faubourg. C'est pour eux le faubourg par excellence, le souverain faubourg, et les fabricants eux-mêmes entendent par ce mot spécialement le faubourg Saint-Antoine.